Tant pis pour toi. C'est pas raisonnable. Eh ben vas-y, lance-toi, tu verras bien. Allez, vas-y. Voilà. Il n'y aura pas d'avocat aujourd'hui. Oh là là. Bon, ça va sinon? Oui, mais enfin, on maître de Comon vient d'arriver, là, on avance. Oui. À 9h29. Non, mais c'est vrai, ça veut dire qu'il est une minute en avance par rapport à d'habitude. Il se déshabille toujours avec beaucoup d'élégance. J'ai oublié de dire un truc, je peux passer par vous? Non, mais n'hésitez surtout pas, vous vendez toujours votre Twingo. Vous m'avez demandé il n'y a pas longtemps ce que j'avais fait en Laponie, ben vous le découvrirez ce soir sur C8. Voilà. D'accord. Bonne journée. Ok, merci. Merci. Il y a des, mais, je vous rassure, elle nous surprend nous aussi. Hein. Comprend la colère des gilets jaunes. Mais... Allez, merci beaucoup. Bonne journée. Bonne nous allons maintenant, si vous le voulez bien, passer aux missions que vous nous envoyez. Nous allons démarrer par le fils de Baptiste. Je vous appelle de l'Essonne. Mon fils a acheté une voiture qu'il a payée 18 500 €. Un mois après l'achat, c'est la panne. Une expertise met clairement en cause la réparation faite par un concessionnaire d'une grande marque. Il y en a pour 9 840 € de réparation. Mais ni le concessionnaire ni le constructeur ne veulent tout prendre en charge. Deuxième mission que nous envoie cette fois-ci Catherine sur RTL. Pour faire plaisir à une amie, j'ai acheté un vélo électrique à 985 €, mais il est absolument impossible qu'elle roule avec. Les freins sont défectueux et du liquide s'écoule de la fourche. Et pour régler tous ces problèmes, l'esprit de Noël avec les lutins. Maître de Comon, avocat spécialisé auto, moto, PV, radar. Bonjour à toutes et à tous. Mais également lutin, mais un peu pervers pépère aussi. Nous avons Maître Féléno qui est là également. Bonjour à tous. Happy holidays. Happy holidays, Bernard et Hervé. Bonjour. Toutes les équipes d'Alain Hazard sont là, nous sommes là pour vous aider, négocier, donner la parole à la partie adverse, essayer de trouver un accord en se disant « Allez, c'est Noël, on doit bien pouvoir faire quelque chose pour passer en direct sur l'antenne. » Vous pouvez faire le 3210 ou pour témoigner sur un cas. 50 centimes d'euros la minute. Et gratuit, Facebook, la page, ça peut vous arriver, gratuit aussi, rtl.fr. Nous démarrons donc maintenant le premier cas. Si tu t'es fait arnaquer, pas la peine de paniquer, faut appeler. Ouais, Julien Courbet. Voilà, c'est lui. Alors nous avons, je crois, nous allons démarrer avec Baptiste. Baptiste, bonjour. Oui, bonjour Julien. Baptiste, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de l'Essonne. De l'Essonne. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Baptiste? Je suis contrôleur technique dans un centre véhicule léger. Alors ça tombe bien parce qu'il est question d'un véhicule. Je ne sais pas s'il était léger ou pas, mais c'est celui qui a acheté votre fils le 21 juillet 2017, qu'il a quand même payé 18 500 €. Il a acheté chez un non-professionnel. La suite, c'est vous qui l'a raconté sur RTL, Baptiste. Oui, tout à fait. Donc il l'a acheté à un particulier qu'il entretenait chez un constructeur renommé. Après l'achat, avant l'achat, il y a eu une réparation, une réfection moteur complète. Et le véhicule a parcouru à peu près 4000 et quelques kilomètres. Et après, le moteur a lâché. Alors, vous l'avez emmené. À quel moment est le problème? Quand vous l'emmenez chez le réparateur ou vous en voulez à celui qui vous l'a vendu? Expliquez-nous. Ah non, c'est le réparateur. Alors, il est venu, il l'a réparé. Il l'aurait mal réparé. Y a-t-il eu une expertise? Il y a eu deux expertises, oui, après, à partir du mois de novembre 2017. Maître de Comon, est-ce que vous avez les expertises, je ne sais pas où, dans ce tas de d'ordures que vous avez maintenant sur la table? Est-ce que vous pouvez retrouver l'expertise en question? Si vous me demandez gentiment, je regarde ça, elle est entre, à 11h. Elle est entre la boîte de thon et les salsifis. Ah voilà, bah oui. C'est celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette expertise? Bon, elle dit effectivement que c'est accablant. Alors, dites-moi. Accablant. Que c'est quasiment... C'est Hiroshima et les gilets jaunes réunis, quoi. Bon, très bien. Hein? Alors, cette expertise a-t-elle été envoyée au garagiste, Baptiste? Elle a été envoyée au garagiste et à l'assureur du garagiste. Mais Maître Féléno, il y a eu un premier pas de fait, mais qui ne satisfait pas Baptiste, parce que n'oublions pas de dire maintenant, Nathalie, avec cette voix qui rend fou là, les trois quarts des hommes qui nous écoutent, qu'il en a pour combien de réparations maintenant? Je ne sais plus, 9 000 et quelques, en gros. Donc 11 882,80 € exactement. Et il propose combien, le garagiste? 70%. Mais alors, pour la bonne compréhension du dossier, Julien, le vendeur de la voiture, c'est comme un particulier, en fait c'est une société, une entreprise de je sais pas quoi d'ailleurs, qui a vendu son parc automobile, dont cette voiture. Donc, et Mais avant de la vendre, il a fait faire une réparation, une révision totale par un concessionnaire de la marque qui a fait une grosse réparation. Et c'est cette grosse réparation qui est mise en cause. Et donc, notre interlocuteur, ce n'est pas le vendeur de la voiture, qui n'est pas un professionnel, c'est celui qui l'a réparée, parce que c'est sa réparation qui est aujourd'hui l'objet de toutes les discussions. Bon, vous voulez en dire un petit peu plus, ce maître de Caumont, ou c'est bon pour vous ? Moi, je... Alors, maître de Caumont, déjà ne vous mettez pas à 4 mètres du micro. Maître de Caumont, comment vous expliquez ? Est un personnage un peu à part, et j'invite d'ailleurs tous les cinéastes à venir un jour assister à l'émission, car il y a là, vous voyez, il donne des coups de pied et des coups de main dans le micro, il y a quand même un personnage à étudier. C'est-à-dire qu'il arrive, l'émission démarre, donc déjà il y a une petite séance de déshabillage, donc il se met dans un coin, il pose sa combinaison, etc. Ensuite, il commence à vider son sac pour arriver au dossier. Mais dans son sac, avant d'arriver au dossier, il va sortir un bidon d'huile, je ne mens pas, il y a vraiment un bidon d'huile dans son sac, il y a après un maillet, des tas de choses comme ça. Et tout d'un coup, ils arrivent au dossier. Et là, il commence à les étaler. Donc, je lui donne la parole, puisque l'émission, il ne le sait pas, mais a déjà démarré depuis 6-7 minutes, ce qu'il ignore complètement. Et donc, il me répond, mais en oubliant qu'on est à la radio, donc en se mettant à 3-4 mètres, parfois même des toilettes, la porte fermée. Donc, est-ce qu'on peut en dire plus sur cette expertise ? Bon, non, écoutez, vous m'avez vexé, j'en dirai pas plus. Bon, voilà. Ah, voilà. Et puis, il vient... Et alors ça, c'est la cerise sur le gâteau, il vient pour rien. Bon, écoutez, je crois que ce dossier est très clair. Donc, ce que nous attendons maintenant, c'est que, je rappelle que le fils de Baptiste paie un crédit pour rien depuis 16 mois. Il doit se contenter des transports maintenant, hein, pour bouger. Baptiste, c'est terrible pour lui parce qu'il avait investi dans cette voiture. D'ailleurs, ça rappelle un petit peu aussi le combat de certains gilets jaunes qui disent, si on nous augmente à ce point l'essence, on ne peut plus aller travailler. C'est son cas, Baptiste. Enfin, qu'il a besoin de la voiture, pas de pas le prix de l'essence. Il a besoin de sa voiture pour travailler. Qu'est-ce qu'il fait ? Il est directeur commercial. Voilà. Donc, il lui faut cette voiture, puisqu'il fait combien de kilomètres par an ? Bah, par an, il n'a pas eu trop l'occasion d'en faire, puisque le véhicule est tombé en panne à moi. Non, après, mais d'habitude, est-ce que c'est une caméra cachée ? Est-ce que quelqu'un est en train de me piéger, que ce soit Maître de Caumont, que ce soit l'auditeur, que ce soit Maître Felloneau ? Oh, bon, Baptiste, on va dire qu'il a besoin de sa voiture, qu'il a besoin de la faire réparer, que le concessionnaire prend, il veut que le concessionnaire prenne l'intégralité des réparations, 9849, et pour l'instant, il ne veut pas. Nous allons donc appeler cette grande concession. Dans une seconde, l'appel est lancé sur RTL. Auchan, et la vie change. Et pendant les 125 jours Auchan, c'est l'équipement high-tech de Christophe qui change. Avec le smartphone Samsung Galaxy S8 64Go à 449,90€ seulement. 449,90€, Christophe, achète-le. Et avec, prends le prix en photo. Sinon, personne croira que tu l'as payé ce prix-là. Jusqu'à demain, vos hypermarchés Auchan et Auchan.fr proposent le Samsung Galaxy S8 64Go à 449,90€ et votre équipement high-tech change. Ton éco-participation 2 centimes. Kit main libre recommandé, DAS 0,315 watts par kilo. Intersport. Chez les Durand, on ne s'offre qu'un cadeau par personne. C'est une sorte de tradition. Mais cette année, ils sont tous allés chez Intersport. Il n'y aura jamais assez de place au pied du sapin. Jusqu'au 24 décembre, il est encore temps de célébrer Noël chez Intersport. Votre deuxième article acheté est à moins 50% sur les marques Adidas, Puma et Asics. C'est 50% de réduction et 100% de plaisir d'offrir en plus. Intersport, le sport, la plus belle des rencontres. Conditions et liste des magasins participants sur intersport.fr. Franchement, la prime de Noël chez Opel, j'y avais pas cru. Une reprise de 4000 euros minimum pour l'achat d'une Opel. Ça va, mais bon, j'ai pas que 4 ans, quoi. J'ai passé l'âge de croire au Père Noël, hein. Et ben, en fait, il paraît que c'était vrai. Et moi, je suis le seul à y avoir pas cru, le nul, quoi. Elle sera trafiquée, ma voix, hein. Je préfère, merci. Le Père Noël existe bien. Jusqu'au 31 décembre, bénéficiez d'une prime de Noël Opel de 4000 euros pour la reprise de votre véhicule et l'achat d'une Opel neuve en stock identifié. Offre non cumulable réservée aux particuliers. Conditions sur Opel.fr. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Nous sommes sur le cas de Baptiste, Céline. Il nous appelle pour son fils 18 500 euros pour une voiture qui tombe en panne un mois après l'achat. Coût des réparations, 9 849 euros. Donc c'est tombé en panne suite à la réparation, et dans son rapport final émis le 6 mars 2018, l'expert confirme bien les désordres et pour lui les problèmes sont imputables au réparateur. Il y a une proposition effectivement d'indemnisation, mais qui est très loin du compte, maître Felloneau. Oui, effectivement, elle ne prend en charge que 70% pièces et main d'œuvre, et lui estime que c'est 100% ou zéro. À partir du moment où il n'y a pas de défaut d'utilisation imputable ou une faute imputable au fils de Baptiste, pourquoi ne pas avoir 100% du préjudice, on se le demande. Baptiste est-il venu aux expertises, le monsieur? Comment? Est-il venu aux expertises, le monsieur? Le garagiste, il s'est déplacé aux expertises ? Non, du tout. Ils n'ont pas voulu en entendre parler. Ils ont missionné un expert à un moment donné, mais c'est tout. Bon, alors nous allons les appeler tout de suite pour qu'ils nous donnent leur version des faits et pour essayer. Ils ont missionné un expert. Oui, ils étaient représentés par. Je ne comprends plus rien. Je vous le dis franchement. Le garagiste a fait une déclaration de sinistre à son assurance, comme tout à chacun devrait le faire. Et c'est un expert qui est venu le représenter. D'accord. Lequel d'ailleurs. Conteste la faute de son assuré en disant il n'a pas été démontré qu'une faute avait été commise par ce garagiste. Ce qui est quand même curieux. Maître de Caumont, donc on se retrouve dans le cas d'une assurance qui dit nous, notre client, il a raison, et l'assurance adverse, elle dit nous, notre client, il a raison. Donc voilà, c'est des expertises, ça j'ai jamais compris, mais après tout, c'est vrai que sur des problèmes très techniques, on peut voir blanc, on peut voir noir. Ce qui m'inquiète un peu, c'est que quand c'est l'assurance A qui envoie son expert, il trouve que l'assurance A a raison parce qu'il est quand même un peu payé par elle, et l'expert B qui est payé par l'assurance B va dire non, c'est l'assurance B qui a raison. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on a deux experts face à face? Comme ça. Bah, c'est pour ça qu'existent les experts judiciaires, Julien. Ah, lui, il a sa parole n'est pas bien entendu. Il est par définition indépendant, il n'est rémunéré par aucune des deux parties, il est agréé auprès d'une cour d'appel, par exemple, et donc il ne risque pas de faire n'importe quoi parce qu'il peut très facilement perdre son agrément s'il s'avérait qu'il est soit incompétent, soit trop favorable à une des parties. Et malheureusement, ça veut dire procès, Julien. D'accord. Donc, alors, il peut y avoir une solution aussi qui parfois se met en place à l'amiable, c'est un tiers expert. C'est-à-dire que les parties d'un commun accord... Près d'un troisième expert. Un troisième expert, et il prévoit donc de se rallier à l'avis de ce troisième expert. C'est parti, Charlotte. Nous appelons donc le concessionnaire d'une grande marque. Il est franchisé. Voyons ce qu'il va nous dire. Nous nous efforçons d'écouter agréablement. Nous avons déjà une dame qui s'efforce. Ça, c'est déjà pas mal. Le concessionnaire prend 70% de la réparation. Alors, si son expert pourtant dit non, vous n'avez rien fait, pourquoi prend-il 70%? C'est ça que je ne comprends pas non plus. Mais moi, j'avais eu un souci comme ça avec un problème d'huile où l'on m'avait mis, je dis n'importe quoi, 3 litres d'huile lors d'une réparation et la notice dit qu'il ne faut en mettre que 2. Et j'avais dû me battre pour dire mais oh non, mais ça change rien. Ah si. Ben, j'ai dit monsieur, alors dans ces cas-là, pourquoi sur la notice de la voiture, ils disent qu'il faut 2 litres si quand vous en mettez 3, ça ne fait rien. Tout à fait. Ça peut entraîner des surpressions et ça peut entraîner des dégâts graves. En termes de surpression, vous y connaissez évidemment. Absolument. Nous avons donc, Charlotte, quelqu'un qui ne répond pas pour l'instant. On est en attente. Donc nous sommes toujours chez ce concessionnaire qui se trouve à Montrouge. Nous allons attaquer le deuxième cas dans une seconde, en parallèle. C'est le cas de Catherine. Elle a acheté un vélo électrique pour une amie, 985 €. Depuis février, impossible de rouler avec. Attention, quelqu'un a répondu peut-être? Non, toujours pas. On est toujours en attente. Bon, on va les retrouver dans quelques instants. Qui est sur le coup? C'est vous, Hervé? Alors, vous me faites un petit alerte dès que vous avez la concession qui répond et on attaque ensuite le vélo électrique sur l'antenne d'RTL. Oh, écoutez-moi ça. Oh, c'est fantastique. C'est Jerry Colum. C'est Noël qui est là. Il neige. Ce qui n'est pas le cas, mais on va faire comme si. Noël, c'est la neige. Let it snow. Joyeux Noël à tous sur RTL. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, but my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. place to go. Let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, but my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow. Joyeux Noël à tous sur RTL, c'était Jimmy Coulomb. Un point sur l'histoire de la voiture, Céline. C'est Baptiste, c'est le fils de Baptiste qui achète une voiture. Le moteur est à chaise quelques semaines plus tard. Le concessionnaire propose de prendre 70% en charge. Le coût des réparations, seulement 70%. Et nous sommes avec la concession apparemment, Hervé. Absolument, avec Magali qui est conseiller clientèle. Bonjour Magali. Bonjour. Magali, je sais, c'est Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL, je sais que vous recevez beaucoup d'appels, j'ai juste besoin de parler à un responsable concernant le cas de Baptiste Lopez, que vous a résumé, peut-être Hervé Pouchol, non, il ne vous l'a pas résumé C'est pas le temps. Ah bon, alors voilà, il nous faudrait... Alors je vous explique, c'était un monsieur qui a fait réparer la voiture chez vous, apparemment il y a eu des expertises, il y a eu de gros problèmes suite à la réparation qui aurait pu être mal faite, et aujourd'hui il demande juste le remboursement de sa réparation, mais pour ça je pense qu'il vaut mieux qu'on parle avec quelqu'un de la direction. Ah, c'est une sorte de sans aucun doute, c'est ça? C'est exactement ça, madame. Ça. Ce n'est pas vraiment sans aucun doute, c'est une espèce de sorte de... Mais je vous reconnais votre voix, voilà. C'est incroyable. Ben oui. De quoi, ma voix ou le fait que vous me reconnaissiez? Je reconnais la voix de M. Courbet. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous parler en tout cas, et si vous pouviez me passer un responsable, ça serait super. Alors ne quittez pas, un petit instant. Merci beaucoup. Je vais voir ce que je peux faire pour vous. Écoutez, je crois que cette dame a bien résumé. Nous faisons une sorte de sans aucun doute. Quoi ? Pardon ? Ça change, hein ? Ça change les gens qui vous raccrochent. Mais c'est pour ça que je serai vous. Je m'inquiéterai vraiment sur l'avenir de votre emploi, parce que je m'aperçois que quand je parle aux gens, ça va quand même beaucoup plus vite. Moi, c'est tout ou rien. Soit ils me raccrochent au nez, soit ils me parlent. Bon, tant mieux. Baptiste, le contact est établi. Dans une seconde, nous allons donc pouvoir écouter la voiture. Et maintenant, levez-le. C'est Catherine, elle a acheté un vélo électrique. Merci pour ce rire, Céline, qui en dit long. Qui en dit long sur l'analyse que vous faites de la blague que je viens de faire. Allez-y. 985€ pour un vélo électrique. Le problème, c'est que depuis février, il ne fonctionne pas. Vous voulez pas me refaire? C'est exactement ça. Ça vous va? Vous êtes sur RTL. Il est 9h47. Un deuxième cas est lancé. Nous faisons tout pour négocier pour vous. Toute l'équipe d'RTL du 9h30-11h vous souhaite une belle journée. À tout de suite. Histoire d'or présente un Noël magique. Je l'imagine bien faire. Waouh! Ah, j'aurais plus dit waouh! Non, waouh! C'est ça qu'elle dira notre petite Zoé devant son cadeau Histoire d'or. À Noël, découvrez nos collections de bijoux pour toute la famille dans nos 350 magasins et sur histoiredor.com. Histoire d'or, votre histoire en bijoux. Avec Conforama, Noël est plus beau. Quand Noël est déjà là, mais les idées pas tant que ça. Nous, on vous propose la carte cadeau personnalisable à partir de 10€. Pour offrir l'embarras du choix après Conforama. Conforama. Voir liste des magasins ouverts dimanche sur Conforama.fr. Chers voyageurs, notre route continue direction la forêt des sapins de Noël. Regardez, ce ne sont pas moins de 50 gigas de data qui sont tombés cette nuit. Et ce qu'il y a de plus beau, c'est que vous allez pouvoir tous en profiter. À Noël chez SFR, on remplit sa hotte de gigas. Jusqu'au 7 janvier, le forfait Power 50 gigas 4G+, est à prix cadeau. 10€ par mois pendant un an, puis 25€. Appelez le 1090, service et appel gratuit. Offre soumise à condition, réservée aux nouvelles souscriptions. Prix client box, engagement 12 mois, 4G+, sous réserve de couverture avec terminal compatible. Passez de bonnes fêtes de fin d'année et une bonne matinée sur RTL. Cyril, pourquoi tu dis toujours divin foie gras du Sud-Ouest? Mais parce que c'est divin. Et puis foie gras, ça va avec Sud-Ouest, c'est comme ça. IGP, Canara foie gras du Sud-Ouest, Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy. Campagne réalisée avec le soutien financier de l'Union Européenne et de la région Nouvelle-Aquitaine. C'est le moment. Le moment de vous joindre aux millions de personnes qui organisent des joyeux meetings avec la vidéoconférence Zoom. Zoom vous offre une vidéo parfaite, une audio très claire et un partage instantané sur tous les appareils mobiles, les tablettes ou les appareils de bureau. Mais ce qui est le mieux avec Zoom, c'est que ça marche, tout simplement. Alors, fini les distractions, joignez-vous au mouvement et à vous les joyeux meetings avec la vidéoconférence Zoom. Visitez zoom.us/fr pour créer votre compte gratuit aujourd'hui. C'est zoom.us/fr, la vidéoconférence Zoom. Pour Noël, offrez un livre. Elle voulait voir la mer de Gilbert Borde. Mai 44, pourchassés par les nazis, 5 jeunes rêvent de gagner l'Amérique. Un roman bouleversant, un livre XO. Pour Noël, offrez un livre. L'Antarctique de Mike Horn. 5000 km seul dans l'enfer blanc, par moins 50 degrés. Un livre XO. Pour Noël, offrez un livre. Pharaon de Christian Jacques. L'incroyable histoire du pharaon que l'on surnommera plus tard le Napoléon égyptien. Un livre XO. La bonne idée cadeau. Votre Intermarché de Noël vous propose d'écouter le prix du jour. Oh non! Mais non les enfants, on va pas manger un chaton, mais un chapon. Un chapon. Jusqu'au 31 décembre, dans votre Intermarché, le chapon fermier Label Rouge Origine France, Loué ou Saint-Sevé est à 9,49€ le kilo, avec en plus 6€ en avantage carte par chapon. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Selon approvisionnement en magasin, chapon d'environ 3 kilos. Modalité magasin participant sur noël.intermarché.com. Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. Et j'en profite pour dire que tous les auditeurs qui passent sur l'antenne ce matin gagneront le plein de gourmandises avec Jeff de Bruges. Cette semaine, il y aura un bel assortiment des meilleures recettes chocolatées Jeff de Bruges. Un ballotin de chocolat, des truffes onctueuses, de délicates Juliette et un coffret de palais grand cru. Et ça, c'est pour Baptiste qui nous a appelé. C'est la voiture de son fils qui ne roule toujours pas. Malgré des réparations, il demande donc le remboursement des frais engagés, 9 849€. Et nous avons appelé le concessionnaire franchisé Alliantis. Nous sommes toujours en ligne avec eux. Hervé, que se passe-t-il? Nous sommes toujours en compagnie de Magali, que je vais vous repasser. Malheureusement, la dame en question, qui est la responsable de la concession, Madame Vasseur, est en réunion. Ah. Et Magali a essayé de la prévenir, mais elle n'a même pas pu rentrer dans le bureau. Très bien. Alors, ce n'est pas grave. Qu'elle essaie quand même de nous contacter dès qu'elle sort. Et nous allons, nous, du coup, essayer d'appeler Audi France. Si elle peut essayer de lui glisser sous la porte, lui glacer le mot d'ailleurs. Pourquoi pas? Pourquoi vous riez comme ça, Maître Félonon? On peut glacer quelqu'un? Si elle peut lui glisser sous la porte un petit mot pour lui dire, voilà, on est sur RTL, ça serait fantastique. On compte sur vous, Hervé? Mais on compte sur Magali, surtout. Bien sûr. Je dois dire qu'on peut bafouiller un peu ce matin. Hier soir, on a fait un petit repas d'équipe qui était très sympa dans un petit resto. Ça a commencé très sobrement. On a parlé de politique, de macroéconomie, et rapidement, Hervé nous a dit, tiens, si on chantait une chanson de la Compagnie Créole, qui a amené derrière Félicie aussi, qui a amené derrière, je ne sais plus quoi, comment s'appelle-t-il, allez chérie, sors tous les verres, la la la, la la la, voilà. Et très rapidement, le restaurant nous a demandé de rentrer chez nous, et était même prêt à nous offrir du champagne pour qu'on parte un peu plus vite, voilà. Nous allons donc attaquer la Vella, si vous le voulez bien. Céline, comment s'appelle l'auditrice? Catherine. Ce n'est pas pour me déplaire. Bonjour Catherine. Bonjour Julien. Catherine, vous nous appelez d'où? Des Bouches-du-Rhône, du Var, quoi. Du Bouches-du-Rhône et du Var, entre les deux. Voilà. Parfait. De Saint-Cyr-sur-Mer. Catherine, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Oh, enseignante. C'est parfait. Vous avez voulu acheter un vélo électrique sur un site internet. Dites-nous ce qui s'est passé après sur la terre. Tout à fait. Pour faire plaisir à une amie, nous nous sommes groupés. Nous lui avons offert un vélo électrique 992€ quand même. Et malheureusement, il y a eu un problème de batterie, il y a eu un problème de frein, un problème de fourche. Et dernièrement, la poignée tournante qui ne marche plus. Donc, ce qui veut dire que le vélo électrique, elle ne peut pas s'en servir. Et c'est un très gros site, peut-être le plus gros site du monde. Donc vous les avez prévenus en leur disant, voilà, le vélo ne marche pas, que fait-on? Que vous ont-ils répondu? Alors, je les ai appelés à plusieurs reprises, j'ai envoyé des mails, j'ai envoyé des lettres recommandées. Dans un premier temps, ils ont essayé de répondre au téléphone et ensuite c'était donc on ne répondait pas, c'est-à-dire qu'autrement dit, ils se déchargeaient par rapport à leur fournisseur. Et au jour d'aujourd'hui, je n'ai aucune solution, je n'ai rien. Même si en les appelant, l'appel est, je dirais qu'il est payant. Bon, voilà. Est-ce que vous l'avez acheté sur le site lui-même ou est-ce que c'est le site qui héberge? Est-ce que c'était un marketplace? Est-ce que vous savez? Alors là, je ne peux pas vous dire parce qu'au tout départ, il y a eu un problème de frein et immédiatement, nous avons reçu donc la pièce qu'il fallait. D'accord. Et ensuite, lorsqu'il y a eu un problème de batterie, de fourche et de poignée tournante, là, on me mettait directement en contact avec le fournisseur. Bon, alors apparemment, c'est un marketplace. Vous le savez, vous allez sur des gros sites et vous avez la possibilité d'acheter un vélo, un matelas, tout ce que vous voulez. Et vous croyez que vous achetez sur le site, mais en fait, le site loue des emplacements. Par exemple, moi, je pourrais monter mon petit site Courbet Gourmette, où je vendrais des gourmettes, et j'irai sur le site, par exemple, d'Amazon, sur le site, il y en a plein d'autres comme ça, parce que j'ai, eh oui, parce que j'ai la possibilité d'avoir accès à des tas de clients, parce que je sais qu'il y a... Mais le consommateur, il pense qu'il achète peut-être chez Amazon, exactement, mais en fait, il n'achète pas chez Amazon. C'était ouais. chez qui, là ? Alors, là, c'est vendu... part, et c'est indiqué sur la commande, chère Catherine, et c'est vrai que c'est indiqué en tout petit, il y a marqué « vendu par Jimmy Team ». Jimmy Team étant une société chinoise. Oh oui, mais ils sont faciles à joindre. Si vous voulez aller ramener votre vélo, Catherine, je vous donne l'adresse parce qu'on l'a retrouvé. Et je ne mens pas. Vous devez ramener le vélo. Vous avez une voiture, Catherine ? Qu'est-ce que vous avez comme voiture ? C'est un vélo pliable. Non, hein, mais, donc, oui, mais qu'est-ce que vous avez comme voiture ? Moi, j'ai une Seat, bon, une petite Seat Ibiza. C'est parfait. Vous pliez le vélo, vous le mettez dans la Seat et vous partez à l'adresse donc du vendeur qui est Jimmy Team, qui se trouve Tangxia Zhen Shitan Pusheku Dajing Erlu 16 Hajao Erlu Guangdong. C'est dans le 52 3000. Voilà. Vous leur déposez, ils vont vous le réparer, puis vous repartez après. Ça vous prend 4 ans, vous pouvez peut-être prendre un petit RTT de 4 ans, Catherine. Donc c'est eux qu'il faut joindre, mais est-ce que, donc c'est la question et c'est la règle d'or, quand j'achète, parce qu'il y en a de plus en plus sur ce qu'on appelle un marketplace, c'est-à-dire un site comme Amazon, mais qui lui-même, à l'intérieur de son site, vous envoie chez d'autres vendeurs, qui est responsable ? La règle d'or sur RTL. Maître Fellono. C'est le vendeur, évidemment, qui est responsable, mais le site, lui, doit vous permettre de joindre ce vendeur, et s'il en est dans l'impossibilité, il doit faire quand même quelque chose pour vous, parce que là, ce n'est absolument pas normal, ce qui arrive à notre amie Catherine, avec un vélo qui n'est pas donné quand même, hein, 985 euros. C'était l'explication de Maître Fellono. Nous allons donc les appeler, si vous le voulez bien. C'est sérieux, ça. C'est merci. C'est compliqué de les avoir, Catherine ? Certainement, certainement. Bon, alors on va prendre le temps de le faire, puisqu'il va y avoir les infos. Mais votre copine, du coup, c'était pour un départ à la retraite ? C'était pour quoi ? Exactement, c'était pour un départ à la retraite, et on s'est mis à 5 pour lui offrir son vélo, vous avez tout compris. Il est beau, en plus, le vélo, je l'ai sous les yeux. Il est rouge, il est beau. Vous ne vous êtes pas moqué d'elle, hein ? Et non. Oh, la pauvre, elle doit être désespérée. C'est pas la seule, hein, je vous le dis, à avoir des problèmes avec son vélo électrique. J'ai connu une grande chanteuse qui en avait un également et qui avait acheté dans les mêmes conditions que vous, Catherine, son vélo. Et elle disait « J'ai mon vélo qui déconne acheté sur Amazon. » Ah, elle était énorme, je vais vous dire. Je me rappelle, elle en avait fait un 10. « J'ai la fourche en carbone qui vraiment m'empoisonne. » Non, il faut comprendre les gens, ils achètent, on leur livre pas. « Pourtant, je suis légère. » Le problème vient pas de mon derrière. Je préfère encore courir que finir au cimetière. Voilà. Alors, on va savoir ce qu'ils vont nous dire. Ça sera dans quelques instants sur l'antenne d'RTL. A tout de suite, Maître de Caumont. A tout de suite, Julien. Et merci d'être avec nous. Vive la France, vive la République. Leclerc. Chérie, j'ai une surprise. Mais non, des homards. Des homards à 19,99€ le kilo chez Leclerc. Pour un sublime repas de fête. Moins de 20€ le kilo de homards. Chez Leclerc. On va se régaler. Chez Leclerc, nous défendons aussi vos comptes de Noël. Du 20 au 24 décembre, le homard cuit pêché en Atlantique Nord-Ouest de 300 à 400 grammes pièce est à 19,99€ le kilo. Voir modalités et magasins participants sur www.e.leclerc. Du homard. La tête que va faire maman. J'ose même pas imaginer. Pour votre santé, bougez plus. Le 25 décembre, le grand loto de Noël est de retour avec son jackpot exceptionnel de 15 millions d'euros minimum à partager au rang 1, mais aussi 100 gagnants à 20 000 euros tirés au sort, voire règlement. FDJ, jouer avec XC comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. L'empereur de Paris. C'est qui lui ? L'évadé perpétuel. Vida, monsieur. L'extraordinaire destin du plus célèbre bannière de France. Vous avez besoin de résultats ? Je peux vous les fournir. Par le réalisateur de Mérine. Un voleur reste un voleur. Et des résultats restent des résultats. L'empereur de Paris, avec Vincent Cassel. Il n'aura jamais qu'un seul empereur. Aujourd'hui au cinéma. Avec RTL. Qui habite ? Le bonheur vous va si bien. Et le bonheur, c'est de ne plus avoir à attendre les soldes pour se faire plaisir. Découvrez les ventes qui ne se privent pas chez Kiabi. Plus vous achetez, moins vous payez. Pour deux articles, profitez de moins 20%. Trois articles, moins 30. Quatre articles, moins 40. Et cinq articles, moins 50%. Kiabi, le bonheur vous va si bien. Du 15 décembre au 8 janvier, sur articles signalés. Conditions et liste des magasins ouverts sur kiabi.com. Monoprix. Tu sais que t'es fan de l'océan quand tu mets la photo d'une étoile de mer à côté de celle de tes enfants sur la cheminée. Et tu sais que t'es encore plus fan de l'océan quand tu vas chez Monoprix et que tu vas 6 fois devant le rayon poissonnerie, mais juste pour sniffer de l'air iodé. Noël, c'est parti chez Monoprix. Profitez de la promotion exceptionnelle. 40% de réduction immédiate sur le saumon Gravlax Monoprix Gourmet jusqu'au 31 décembre. Monoprix, 4 tranches 120 grammes transformées en France. Voir conditions de l'offre en magasin et sur monoprix.fr. Pour votre santé, bougez plus. Sur France 3, une semaine tout en bleu avec tout le sport. Il nous en fait vibrer, il nous en fait rêver. Mais que deviennent les Bleus après la folle aventure du Mondial? Découvrez l'interview inédite du phénomène Blaise Matuidi. Tout le sport, demain à 20h45. France 3, vous êtes au bon endroit. La météo, c'est pas un cadeau, mais en exclusivité chez Feu Vert, pour l'achat de pneus Michelin, vous avez jusqu'à 80 euros offerts. Et ça, c'est cadeau. Voir conditions sur feuvert.fr. Il faut de tout pour faire un monde. Une voiture qui ne marche pas et qui aurait été mal réparée, un vélo électrique qui n'a pas été livré, c'est à suivre sur RTL. Il est 10h. Et c'est Agnès Bonfillon que nous retrouvons pour les infos. Bonjour Agnès. Bonjour Julien, bonjour à tous. Après plusieurs péages dégradés ces dernières semaines, c'est un bâtiment de Vinci Autoroute à Besson près de Béziers qui a été incendié cette nuit. Des gilets jaunes auraient revendiqué cette action. Concernant le péage de Bandol dans le Var cette fois, sachez que l'A50 est partiellement rouverte, ça y est, que dans un sens, celui de Marseille-Toulon. Pour Marine Le Pen, c'est de l'amateurisme. Invitée de RTL, la patronne du Rassemblement National fustige le rétropédalage express du gouvernement hier après avoir annoncé l'annulation des mesures comme l'élargissement du chèque énergie, la prime pour le remplacement d'une chaudière. Et bien finalement, Matignon les a maintenues, ces mesures. Pour la députée de La République En Marche, Aurore Berger, également sur notre antenne, il ne s'agit pas d'un couac. Il faut simplement que la politique reprenne ses droits, dit-elle. Au-delà de la prime exceptionnelle de 300 euros pour les forces de l'ordre mobilisées pendant le mouvement des Gilets jaunes, le ministère de l'Intérieur met en place un calendrier pour payer les 274 millions d'heures supplémentaires que l'État leur doit. En attendant, le syndicat Alliance a lancé son mouvement, fermant les commissariats ce mercredi. Les fonctionnaires qui le souhaitent ne répondront qu'aux appels d'urgence. À l'aéroport Charles de Gaulle, première conséquence, ralentissement au contrôle des passeports. Les pompiers, eux, sont toujours pris à partie en intervention et de plus en plus, le nombre d'agressions a augmenté de 23% en 2017 et a été multiplié par 3 en 10 ans. Hausse évidemment inquiétante pour la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Bercy n'écarte pas la possibilité de racheter provisoirement l'usine de Blanquefort en Gironde pour sauver le site. Vous savez que le propriétaire, l'américain Ford, refuse une offre de reprise alors que 850 emplois sont menacés. Cette éventualité donc que l'État rachète l'usine, le ministre de l'économie Bruno Le Maire la met sur la table. Petit rebond en ouverture de la bourse de Paris ce matin, plus 0,27%, le CAC 40 prend 12,65 points. La météo, comme prévu, la perturbation se déplace sur l'est du pays aujourd'hui avec de la pluie qui va arriver cet après-midi de l'Alsace à la Franche-Comté et à l'est du Rhône. Neige à prévoir en montagne, les températures 7 à Langres, 8 à Grenoble, 9 à Alençon et Dijon, 10 à Lille et Caen, 11 à Nantes et Bordeaux, 12 à Agen, 13 à Marseille, 14 à Montpellier ou encore 16 à Perpignan. Fabriqués en France, les oreillers et couettes Cola Normand vous apportent une récupération optimale. Oreillers et couettes Cola Normand, chaque matin, partez gagnant. Les courses ont lieu à Pau aujourd'hui. Les pronostics de Dominique Cordier, le 6, le 8, le 9, le 12, l'As, le 2, le 4 et le 14. Dernière minute, le 9. Vous ne voulez pas des nouvelles d'Alain Henry? Alors, le cheval d'hier, comment s'appelait-il? Mais oui, Alain Henry, c'était alors, le numéro Henry, 5, c'était la dernière minute. Vous deviez me donner des nouvelles aujourd'hui, est-il arrivé en tête? C'était une mauvaise journée pour ce cheval qui, paraît-il, est très bon. Il a été mal débourré. Alors, expliquez-moi ce que cela veut dire. Ben, on débourre un cheval quand on lui apprend que quelqu'un va monter sur lui, va lui mettre une selle, donc il faut le former à ça. C'est ça le débourrage, c'est ce qui fait qu'il passe du stade de sauvage à. Voilà. Oui, mais avant une course, il le sait déjà, ça. Ben, non oui, mais ça veut dire qu'au bout d'un moment, comme il avait pas été bien débourré. Il a dit, mais finalement, je redeviens un cheval sauvage en pleine course. Et le jockey est actuellement accroché à un peuplier en train de dire, il faudrait peut-être venir me chercher maintenant, parce qu'il a été un petit peu éjecté. J'en profite pour dire bravo à RTL et donc à vous, par la même occasion, puisqu'il y avait le grand vote Pure Média 2018. RTL a été élu meilleure radio généraliste par les internautes. Et notre émission, ça peut vous arriver. Je vois qu'elle est élue émission de conseil et de vie pratique de l'année pour la deuxième année consécutive, avec 44,5% des votes, ce qui est le plus gros score du sondage. Bon, voilà, c'est mérité. Merci à vous, ceux qui ont voté. Merci beaucoup, c'était les infos d'Agnès Bonfillon. Et nous allons donc maintenant, si vous le voulez bien, passer au point info. Mais auparavant, je vous rappelle que le grand avocat spécialiste PV Radar, à l'évocation de son nom, certains enlèvent leur chapeau. Maître de Caumont est là, ainsi que Maître Filono. C'est l'esprit de Noël pour régler vos problèmes. Joyeux Noël à tous. It's the most wonderful time. Et tout a commencé avec une histoire de voiture, Céline. Le fils de Baptiste achète une voiture, des réparations sur cette voiture et malgré ça, impossible de rouler avec. Il demande le remboursement des frais, 9 849 euros. On est bien d'accord, Maître de Caumont, que Baptiste a fait venir un expert qui a dit ça vient de la réparation, ouais. Et que le professionnel en question ne se serait pas déplacé, ce qui est toujours un peu idiot. Mais il en a envoyé un autre expert. Oui, et le fait qu'il ne vienne pas, évidemment, ça ne favorise pas les chances d'un accord. Bien sûr. Et en plus, ça laisse penser que il n'est pas très à l'aise dans sa position. Alors, ce qui est incroyable, c'est que l'expert du concessionnaire dit « Mon client, le concessionnaire, n'y est pour rien », mais il lui propose quand même de payer quelque chose comme 70% de la réparation. Alors, s'il y est pour rien, il n'a rien à payer, et puis s'il est responsable, il paie tout. Alors, peut-être qu'on peut trouver un accord entre les deux, mais j'ai cru comprendre, et je le redemande à Baptiste. Baptiste, vous vous dites « Je n'ai rien fait, c'est tout ou rien, sinon j'irai au tribunal », c'est ça ? Oui, tout à fait. Oui. Okay. Ça, oui. Ben c'est clair, c'est net et c'est précis. Où en est-on avec la concession Alliantis ? On a besoin d'avoir la position d'Alliantis et notamment de Mme Vasseur qui est la responsable du service après-vente. Malheureusement, cette dernière est en réunion. J'ai insisté auprès de Magali pour qu'elle puisse lui glisser un petit mot. En tout cas, j'ai envoyé le dossier à Alliantis et pourrait peut-être solliciter M. Garcia, oui. Qui est le directeur général de la concession. Oui, on a vraiment besoin de lui. J'ai aussi un M. Priot, moi, qui est le président. C'est le président, lui. Essayez d'avoir le président. On peut avoir le président aussi. Et après, on remontera à Audi. Audi est une belle marque. Oui. Moi, je suis prêt, s'il le faut, à appeler la grande direction d'Audi pour leur parler et pour leur expliquer le problème de Baptiste. S'ils me répondent, allô, je leur dirai, c'est clair. Quand je monte dans l'Audi, des fois, je juge, ça fait peur. Il y a de l'huile qui coule partout dans le moteur. Le réparateur, je pense qu'il a tout cassé dans l'Audi. L'Audi. Voilà. Je crois qu'il faut savoir de temps en temps, sur des situations graves, avoir un aspect un peu festif. Oui. Ça peut dérider et décoincer des situations. Donc, ça, c'est le cas numéro 1, la voiture. Et nous sommes sur le cas numéro 2, Duvel. 985 euros pour un vélo électrique qui ne roule pas depuis son achat il y a 10 mois. Et Catherine, on le rappelle, c'était un vélo pour un départ à la retraite. Catherine ? Oui, tout à fait, je suis là, je vous écoute. Oui, parce que c'est une fan de vélo, la copine ? Eh oui, c'est une fan de vélo. Et ce vélo correspondait tout à fait à ses attentes. Et il était impossible de l'acheter dans un commerce. C'est pour ça qu'on est passé sur Internet. Donc elle est passée sur le gros site Amazon, mais c'était un marketplace. C'est-à-dire qu'elle ne l'a pas acheté directement Amazon, elle l'a acheté sans le savoir. En tout cas, c'était marqué en petit chez Jim Team, qui se trouve à Erlu, Guangdong. Et là, maintenant, elle est bien embêtée parce que rien ne marche et elle ne peut pas avoir de nouvelles. Il va falloir rappeler, ça va se passer dans une seconde sur l'antenne d'RTL avec une règle d'or de Maître Felono. RTL. La curiosité est un vilain défaut. Avec Anaïs Bouton et Thomas Hugues. Anaïs, vous êtes vraiment orchidoclaste aujourd'hui. Oh, mais cet Alburos serait une vraie coprolite. Quelle moule à gaufre celle-là. On vous raconte l'histoire des insultes tout à l'heure à 14h sur RTL. C'est ça. Auchan, et la vie change. Et pendant les 125 jours Auchan, ce sont les soirées jeux vidéo d'Antoine qui changent. Avec 100 euros de réduction sur toutes les consoles PS4. 100 euros. Antoine, tu sais ce qu'il y a toujours après une dernière petite partie ? Une dernière petite partie. Toujours. Jusqu'au 24 décembre, vos hypermarchés Auchan et Auchan.fr proposent 100 euros d'économie sur toutes les consoles PS4. Et vos soirées jeux vidéo changent. Auchan. Éco-participation 20 centimes, dans la limite des stocks disponibles. Conditions en magasin et sur Auchan.fr. Sœur, c'est le thriller de Bernard Minier. L'Express, toujours aussi efficace. Ici Paris, peur, soumission, mensonge, manipulation, tout simplement énorme. Sœur de Bernard Minier, un livre XO. XO, lire pour le plaisir. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Nous appelons donc ce site, le grand site, le plus grand du monde, puisque ça va être bientôt la société peut-être qui sera la plus importante du monde. J'ai nommé Amazon, qui a donc vendu... Bienvenue ce chez Amazon. Nos appels sont enregistrés à des fins de formation. Tapez 9. Bah tapez 9. Elle vous le demande c'est gentiment, faites-le quand même. Tu as acheté un vélo, maintenant il ne marche pas. Tu voudrais qu'on te le répare. Bonjour, je suis Barbara à votre écoute. Bonjour Barbara. Barbara, je suis Julien Courbet, nous sommes sur la radio RTL et j'essaie d'aider une auditrice qui a acheté un vélo sur Amazon. Et le problème, c'est que le vélo ne marche absolument pas et elle n'arrive pas à se faire entendre pour que le vélo soit réparé. Il est en garantie jusqu'en février 2019. Oui. Donc j'ai le numéro de commande, si vous voulez jeter un petit coup d'œil au computer. Oui, mais est-ce que l'auditrice, est-ce qu'elle ne peut pas me contacter elle-même? Ah ben elle l'a fait plein de fois. Si elle est à la radio aujourd'hui, madame, c'est parce que quand elle vous contacte, elle va vous le dire d'ailleurs. Catherine. Oui, tout à fait. Combien de tout fois avez-vous contacté Amazon? Alors, je les ai contactés au moins 7 ou 8 fois. Voilà. Et en parallèle, j'ai dû envoyer au moins 20 ou 30 mails, plus des lettres recommandées. Vous avez tout ça sur votre ordinateur, madame. Donc comme ça, vous allez pouvoir nous dire ce matin ce que vous comptez faire pour son vélo. D'accord. Pouvez-vous me communiquer le numéro de la commande? Alors, c'est parti. 171-171. Oui. Ensuite, tirer. Ensuite, 711-89. Oui. 36, un autre tiré. 37, 92, 313. 313. Vous voulez jeter un petit coup d'œil? Normalement, vous allez tomber. D'accord, attendez. Alors, vous regardez, vous me dites peut-être que vous allez récupérer l'appel le temps que cette dame. Alors, pendant ce temps-là, Maître Fellono, pendant que Bernard récupère l'appel, vous allez. Ah, attendez, peut-être que madame a du nouveau. Vous l'avez trouvé? Oui, j'ai retrouvé la commande. J'ai besoin d'avoir le numéro de l'adresse de facturation et du code postal de la cliente. C'était l'adresse de facturation, c'était quoi, Catherine? Parce que c'était un cadeau, en fait. Alors, adresse de facturation, c'était Résidence de la Mer, 55 Boulevard de la Mer à Boulouris. Voilà. Ah, il y a aussi ça, des... c'était l'adresse de la livraison, l'adresse de la facturation. Non, l'adresse de facturation. 125 chemin de Sorbat, à Saint-Cyr-sur-Mer. Le numéro du code postal, s'il vous plaît. 83-270. Est-ce que ça vous évoque quelque chose? Attendez. Bon, je vous laisse, Bernard, récupérer la paix. Ah, ça y est, parce que madame nous aurait dit OK. Alors, on y va, deuxième tentative. Vous avez quoi sur votre ordinateur, madame? Ici, je vois effectivement un vélo électrique. Oui. Est-ce que vous voyez le fait qu'elle vous a envoyé des mails et des appels? Oui, je vois effectivement qu'elle a envoyé des mails et des appels. Voilà. Et déjà, il y a une réclamation qui a été soumise. Il y a une réclamation au titre de la garantie A à Z qui a été soumise. Il y a combien de temps à peu près que ça a été demandé, ça, madame? Je vois ici. Attendez. Le. Allô? Le combien, Catherine, avez-vous fait cette réclamation? Depuis le mois de mai. Depuis le mois de mai, exactement. Voici le mois de mai où les feuilles volent au vent. Voici le mois de mai où les feuilles volent au vent. Alors, qu'est-ce que l'on peut faire pour cette dame depuis le mois de mai, madame? D'accord, je vous explique. Dans un premier temps, je dois vérifier les conversations qu'elle a eues avec le vendeur. Oh là, d'accord. Et pourquoi le vendeur? Voilà, pourquoi le vendeur refuse de faire le remboursement? Mais le vendeur, elle n'a jamais eu le vendeur au téléphone. Le vendeur, c'est Jimmy Team. En Chine. Tout à fait, Jim et Tim. Mais elle a jamais eu Jim et Tim en Chine, madame. Effectivement, parce que elle a contacté le vendeur par mail. Par mail. Le vendeur, par mail sur son compte Amazon. Directement. Ah oui. D'accord, ok. Voilà. Bon, alors vérifiez, s'il vous plaît, puis nous on va peut-être essayer d'appeler la direction d'Amazon parce que depuis le mois de mai, vous comprenez bien que quand on achète un vélo comme ça et qu'on a, alors vous allez nous lire maintenant dans une seconde, Maître Fellono, les textos envoyés ou les mails par Jim et Tim. Qui tutoie, je tiens à le dire, ce sont des gens très sympas en Chine. Voilà, qu'est-ce qu'ils disent exactement? Alors, en fait, donc, on a compris que tout se passe par la messagerie d'Amazon et que le vendeur chinois répond à Amazon et non pas à la cliente Catherine qui nous appelle aujourd'hui. Alors, il lui dit ceci. Ami, s'il vous plaît, Donne-moi une image ou une vidéo. J'ai besoin de preuves. Le fournisseur peut fournir la vidéo si vous envoyez à YouTube. Puis donne-moi un lien. Je vous remercie, Wally. Alors, on lui envoie tout ce qu'elle veut. Wally. Ouais. Wally, non, c'est la signature. Robot, c'est et alors, après, tout a été fait. Catherine a envoyé une photo. Ami, j'ai bien reçu la photo. Je t'enverrai une nouvelle dès que possible. Sois patiente. Signé Wally. Non, mais vous vous rendez compte un peu. C'est vous... charmant, mais enfin, c'est depuis le 22 août, après mais plus j'ai compris. De nouvelles. Vous êtes tombé, en fait, celui qui s'occupe des vélos chez Jim and Tim, c'est le sage de Kung Fu. Ami. Au revoir la photographie, le vélo électrique. La sagesse sera au bout de la fourche. Ne cherche pas à comprendre pourquoi la fourche est en panne. Prends quand même ton vélo et va à la découverte de ton destin. Si en chemin tu te casses la gueule parce que le vélo est mal monté, le manque de dents te donnera la sérénité. Bon, on va voir ce qu'ils vont nous dire. Vous récupérez, Bernard. C'est quand même je vais un truc avoir un superviseur, je pense. Vous imaginez quand même, c'est le numéro un dans le monde, Amazon. Depuis le mois de mai, c'est un truc de malade. Donc il nous faut vraiment essayer d'avoir maintenant la direction. Allez, nous allons essayer de passer à des choses un peu plus françaises, un peu plus romantiques. Voici seul, définitivement, c'est Marc Lavoine. C'est ainsi que les jours défilent. C'est ainsi que la vie s'en va. Plus de mots et plus de possibles. Plus de force dans les bras. Ni pour se prendre par la main. Ni pour se soulever du sol. Devenu trop lourd le chagrin. C'est déjà la fin du chemin. Seul, définitivement. Balayé par le vent. L'amour s'éteint, il brûle encore comme il demeure, brûle les lèvres et les mains. Hier est encore aujourd'hui, il durera aussi demain, dans des regrets endoloris, dans le foulard des parfums. Définitivement, c'est Marc Lavoine sur l'antenne d'RTL. Je viens de voir passer une info là, puisqu'on a les sortes de téléscripteurs qui envoient des infos. Les agressions de pompiers sont en augmentation. Et moi, je dis que quand on agresse un pompier, dont la plupart sont bénévoles et viennent nous sauver, qu'on le caillasse pour je ne sais quelle raison et auquel cause, eh bien, auquel cause, on est une sacrée MERDE. Je vous le dis comme je le pense, c'est quand même scandaleux. Mais peu importe, nous ne sommes pas là pour parler de ça. Nous sommes là pour, un, régler le problème donc du vélo. 985€ pour ce vélo électrique qui ne fonctionne pas depuis son achat en février. En mai, la réclamation a été faite et depuis, rien. Donc, il y a une dame qui nous a dit, pourquoi elle passe par la radio, qu'elle nous appelle. Et je lui dis, mais elle vous appelle depuis longtemps. Elle a vérifié. Ben oui, c'est vrai qu'elle nous appelle depuis le mois de mai. Alors. Je vous la repasse, Julien, Barbara. Barbara ? Allô, Barbara ? Okay. Oui, oui, nous sommes en direct sur RTL. Je vous en prie. Dites-moi. Donc, je tiens à vous informer que, vu que c'est une plateforme et qu'il y a des informations privées ici, moi, je ne suis pas habilitée à continuer la conversation. D'accord. Donc, vous pouvez tout simplement contacter le service juridique d'Amazon. Voilà. Bon, moi, c'est clair. Quand on achète un vélo en panne. Donc, ça se passe comme ça pour tout le monde, en fait. Qu'est-ce que vous auriez pu faire pour elle, si là, je ne pourrais plus vous apporter une information. Allez, ça marche, Barbara. Je vous souhaite une bonne journée. Donc, vous voyez, vous achetez un vélo, donc il n'est peut-être pas cher. Et donc, vous l'achetez pour qu'il soit livré au mois de mai. Au mois de décembre, le 19, on vous dit « Je ne peux rien pour vous pour ce vélo qui a été livré ». Que vous n'avez pas acheté en fait Amazon, mais Amazon ne vous l'a peut-être pas assez dit explicitement, vous l'avez acheté à Jim and Tim qui se trouve à Erlu Gangdang, eh bien, voyez avec le service juridique, car nous passons à autre chose. C'est bien parce que ça permet d'être le miroir de ce que vous vivez au quotidien. En parallèle, Julien, j'ai appelé Amazon France, évidemment, je fais donc toutes les démarches et je suis retombé sur la plateforme, sur un interlocuteur, donc, c'est assez étonnant. C'est terrible ce que je vais vous dire maintenant, ma chère Catherine, c'est que nous allons transmettre, si vous le souhaitez, le dossier à demanderjustice.com qui va donc convoquer Amazon au tribunal qui ne se déplacera sûrement pas dans la juridiction de proximité. Après, un huissier viendra au siège de Paris. Mais d'ailleurs, écoutez, vous savez quoi ? On va se renseigner. Je crois que le patron d'Amazon est interviewé cette semaine dans une rubrique économique. Si on pouvait avoir l'info, comme ça, peut-être qu'on peut essayer de lui demander s'il peut nous aider, parce que ce qu'on entend là est juste incroyable. Donc laissez-moi avancer Catherine, encore un petit peu, mais vérifiez et réfléchissez bien, parce qu'elle pensait faire une affaire, elle pensait avoir la perle rare qui n'est pas vendue en France. Peut-être qu'il y a une bonne raison s'il n'est pas vendu en France, ce vélo-là. On est d'accord, maître de Caumont ? Bon, on est surtout d'accord sur le fait que, pour ma part, je conseillerais de regarder un petit peu dans le quartier s'il n'y a pas un marchand de cycles. Je crois. Non, mais là, elle voulait un modèle particulier. Mais le problème, c'est que s'il n'est pas vendu en France, si aucun magasin ne l'importe, c'est qu'il y a peut-être aussi un problème. C'est parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de service après-vente. Oui, mais voilà. Enfin, je pense sérieusement, Julien, qu'on a une palette de choix quand on va chez des marchands qui ont pignon sur rue, dans les villes, dans les quartiers, qui est largement suffisante. On n'est pas un pays sous-développé. On a du choix. Et après ça, on a du service après-vente. Vous avez raison. Est-ce que l'on peut prendre, JB, s'il vous plaît, une photo de Maître de Caumont et la mettre sur le Facebook, car ce matin, je crois que pour la première fois en 20 ans, il s'est coiffé avec le babyliss de sa femme. Nous nous retrouvons dans une seconde sur l'antenne d'RTL. Oui, très vite, Bernard. Oui, juste vous dire qu'éventuellement, demain, on peut aller à Clichy pour faire un duplex s'il faut, hein, parce que le siège est à Paris. Si vous me demandez ça, c'est que vous devez avoir de la famille là-bas et vous voulez vous faire payer le transport. On va organiser ça tout de suite. RTL. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron, vous êtes prêt à partir ? Avec toi ? Jamais ! Parce que là, il y a 5 croisières de rêve à gagner. C'est le grand jeu de luxe ? Ah oui, et jusqu'au 30 décembre, dès l'achat d'un produit de luxe, ils font gagner plein de cadeaux, 1000 cadeaux au total. Mais c'est Noël avant Noël ! Et Noël rime avec Lidl, patron. Chaque semaine, ils mettent en jeu une croisière MSC, des smartphones, des séjours à Port Aventura, des robots Monsieur Cuisine, des Wonderbox et des bons d'achat. Trop tentant, non ? Mais toi, tentant, t'es pas un cadeau. Vous êtes pas gentil, patron. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Règlement et participation sur Lidl.fr. Avec le pack Open Orange, retrouvez ce que Noël a de plus merveilleux. Moi, avec le forfait Orange 50Go, je révise mes chants de Noël en streaming. Et ben moi, avec le forfait Orange 50Go à 9,99€, j'envoie mes vidéos de Noël à toute ma famille. 50Go de vidéos par mois, on va avoir le temps de s'occuper. Hein. Avec Orange, profitez du forfait mobile 50Go pour clients pack Open à 9,99€ par mois pendant 12 mois au lieu de 24,99€ par mois. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Valable jusqu'au 8 janvier 2019, 15€ par mois remboursé pour les nouveaux clients. Engagement 12 mois, conditions sur orange.fr. C'est bientôt Noël. Dépêchez-vous de trouver le cadeau idéal. Avec Groupon, vivez les fêtes en économisant sur une foule de bons plans, d'expériences et de cadeaux à offrir à vos proches. Téléchargez l'appli gratuite Groupon dès maintenant pour découvrir nos offres beauté, bien-être, restaurant, loisirs et sorties. Offrez des expériences près de chez vous et donnez du sens à l'esprit de Noël. Avec Groupon, c'est cadeau. Vite, téléchargez l'appli gratuite et économisez. Il paraît qu'à Noël, on se pardonne tout. Bien sûr. Bon, de toute façon, ce qui compte à Noël, c'est les chocolats Jeff de Bruges. Raffinés, fondants, onctueux, à partir de 11,10€ le ballotin. Jeff de Bruges, tout l'esprit de Noël dans un chocolat de qualité. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Monoprix. Tu sais que t'es fan de l'océan quand tu mets la photo d'une étoile de mer à côté de celle de tes enfants sur la cheminée. Et tu sais que t'es encore plus fan de l'océan quand tu vas chez Monoprix et que tu vas 6 fois devant le rayon poissonnerie mais juste pour sniffer de l'air iodé. Noël, c'est parti chez Monoprix. Profitez de la promotion exceptionnelle, 40% de réduction immédiate sur le saumon Gravlax Monoprix Gourmet jusqu'au 31 décembre. Monoprix, 4 tranches 120 grammes transformées en France. Voir conditions de l'offre en magasin et sur monoprix.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Et nous revenons, Hervé, sur le cas numéro 1. C'est Baptiste, il demande le remboursement des frais engagés pour des réparations infructueuses sur sa voiture. Et nous avons, je crois, quelqu'un en ligne. Absolument, toujours pas de nouvelles d'Alliantis, mais en revanche, j'ai réussi à avoir le responsable du dossier de Audi France, Monsieur Després, il est en ligne. Bonjour Monsieur Després, soyez le bienvenu en direct sur l'antenne d'RTL. Comment pouvons-nous aider ce client qui a quelques petits soucis, donc suite à cette réparation et aux différentes expertises qui ont été réalisées sur son véhicule. Bonjour. Bonjour. Comme j'expliquais, une prise en charge de 85% a été accordée à M. Lopez par Volkswagen Group France. Alors, je ne suis pas sûr qu'il soit au courant de ça. Baptiste, est-ce que... Parce que moi, je ne l'étais pas. 85%, vous êtes au courant de cette proposition, Baptiste ? Oui, je suis au courant. C'est une proposition qui a été faite récemment. Bon. Mais verbalement ? Non, par écrit. Par écrit. Il y a eu des devis écrits aussi. Ouais. Bon, alors par écrit, super, ok, je comprends bien. D'accord. Juste la question qu'on se pose, monsieur, c'est pourquoi 85%? Sur quoi se base-t-on pour dire 85% au lieu de 100? Ou de 60 d'ailleurs? C'est une participation commerciale. D'accord. Voilà, c'est une participation commerciale, c'est un geste commercial. Donc vous vous dites, en fait, on estime qu'on n'est pas responsable, mais on est prêt à réparer à hauteur de 85%. Pour aider le client, effectivement. Bon, ok. Pourquoi l'Audi ne se déplace pas aux expertises? À la première, pourquoi ils n'y ont pas été? Vous ne savez pas? On n'a pas pu se déplacer par indisponibilité. On avait prévenu l'expert donc de M. Lopez. D'accord. Et puis, bon, quoi qu'il en soit, on a quand même géré le dossier. On a reçu des éléments de sa part et on a traité la demande. Maître Felloneau. Oui, monsieur, bonjour. Il y a quelque chose qui m'échappe. Je comprends le geste commercial. Mais dans cette affaire, il y a eu une expertise. Peut-être que vous contestez les causes techniques ou je ne sais pas, mais rien ne peut être imputé à l'utilisateur, au client. Est-ce qu'il a fait un défaut d'entretien? Est-ce qu'il a fait un défaut d'utilisation qui vous permet de le faire échapper à la garantie? Je rappelle que c'est un véhicule quand même qui a été réparé et la réparation, au bout d'un mois, la voiture a rendu l'âme. Donc, il s'est quand même passé quelque chose. Ce qu'on va faire, c'est que M. Lopez va me faire un retour. En résumant sa demande dans la globalité, et je soumettrai ça auprès du service juridique pour avoir leur avis. Bah, ça me paraît, et c'est très gentil, monsieur, en tout cas, de nous parler. J'apprécie vraiment que la marque prenne ses responsabilités, ce qui prouve le sérieux. Mais comprenez que... C'est compliqué de dire à quelqu'un, vous n'y êtes pour rien, nous allons payer 85% de la réparation, et puis, pour on ne sait quelle raison, il y en a 15 qui sont à votre charge, alors que vous n'avez rien fait, sinon que vous nous avez fait l'amitié d'acheter une Audi. C'est tout ou rien, me semble-t-il. Ou alors, vous démontrez par A plus B que c'est lui qui a fait n'importe quoi, auquel cas c'est zéro. Mais 85, pourquoi il y a ce côté qui est peut-être perçu, et ce n'est pas le cas, je ne dis pas que c'est votre position, mais qui est peut-être perçu comme de la mesquinerie en disant « mais tu vas quand même payer un petit peu ». Maître de Caumont. Oui, Julien, je partage totalement votre avis. Effectivement, il n'y a pas de raison, s'il n'y a pas de faute de la part de l'acheteur, de l'utilisateur, de lui laisser quoi que ce soit à sa charge. Le geste commercial, à mon avis, c'est fait pour soutenir un bon client, un fidèle client, qui est responsable, au moins pour partie, de ce qui est arrivé, et auquel on dit, comme vous êtes un bon client, comme on vous aime bien, comme on vous soutient, eh bien, on va vous faire les pièces à prix coûtant, on va vous faire cadeau de la main-d'œuvre, on va vous soutenir, alors même que on n'a aucune raison de le faire, si ce n'est de vous être agréable. Ça, pour moi, c'est un geste commercial. Bon. Mais quand on doit quelque chose, c'est pas un geste commercial. Alors, monsieur, en tout cas, j'apprécie votre démarche. Effectivement, vous allez vous remettre en contact avec Baptiste, remonter ça, on est à peu de choses près, là, on n'est pas loin de la vérité. Donc, vous êtes une énorme marque, je pense qu'on doit pouvoir trouver la solution. Oui, on va. Allez, ça marche. Merci, monsieur Depré. J'apprécie vraiment. C'est un bonheur le matin de pouvoir parler à des gens comme vous qui vont de l'avant. Baptiste, on va voir ce que nous propose monsieur Depré. Puis après, s'ils ne veulent pas, vous savez, vous nous avez dit ce que vous comptiez faire. D'accord, vous récupérez l'appareil. Merci, monsieur Depré. Bonne fête à vous, en tout cas. Et merci à vous. Bonne journée également. Voilà, c'est bien tombé sur des gens comme ça. Baptiste, laissez-nous avancer un petit peu avec lui. Hervé s'en occupe. Mais je suis plutôt assez confiant. D'accord? D'accord, merci beaucoup. Merci Baptiste. Dans quelques instants, un petit point actu avec vous, Maître de Caumont, puisque la fameuse ANTS, rappelez-nous ce qu'est la ANTS. C'est l'Agence Nationale des Titres Sécurisés, c'est ce qui a remplacé, hélas, les guichets dans les préfectures concernant les papiers, cartes grises, permis de conduire, etc. Ils ont été mis à l'amende et vous allez nous expliquer pourquoi. Et après, on passera à un autre cas, s'il vous plaît, Céline. On fera le retour du dossier d'Olivier, vous savez, ce pâtissier qui est sans ligne fixe depuis le début du mois. Et qui est désespéré parce que c'est maintenant qu'il fait le plus gros de son chiffre d'affaires. Les commandes se font au téléphone, il n'en passe aucune pour Noël. Deux jours que nous sommes sur le coup, on va voir ça dans une seconde. RTL. 11h-12h30. À la bonne heure. Stéphane Bern sur RTL. Vous voulez la recette pour une très bonne émission ? Eh bien, on va parler de faux dinde dans À la bonne heure avec notre invitée Marie-Agnès Gillot, invitée d'À la bonne heure. Et À la bonne heure, c'est à 11h sur RTL. À tout à l'heure. Carrefour, on a tous droit au meilleur des Noëls. Ma femme est très saumon et moi plutôt foie gras. Alors quand j'ai vu que pour Noël chez Carrefour, il y a 10 euros en bon d'achat tous les 30 euros d'achat sur tous les foie gras et saumon fumé, j'ai pas hésité. Résultat des courses, se régaler à Noël et faire des économies, c'est possible. Jusqu'à dimanche, dans vos hypermarchés Carrefour et leur drive, profitez de 10 euros en bon d'achat tous les 30 euros d'achat avec votre carte Carrefour sur tous les foie gras et saumon fumé. Carrefour. Offre limitée à 90 euros d'achat, bon d'achat valable du 24 au 30 décembre, hors carburant, drive et service. Modalité et magasin participants sur carrefour.fr. Pour votre santé, bougez plus. Le Noël inoubliable de Bouygues Télécom. Gaël de Gap, un giga en vie pour Noël d'un forfait mobile gavé de giga et d'un smartphone tout neuf. Il en serait gaga de ça, Gaël. Le problème, c'est qu'il a peur de griller toutes ses économies. Eh bien Gaël, cessez d'angoisser du porte-monnaie car l'offre qui va suivre est giga faite pour vous. En ce moment, chez Bouygues Télécom, vivez un Noël inoubliable et profitez de 15 euros de réduction par mois pendant 12 mois sur les forfaits sensations 50 gigas et plus. Appelez gratuitement le 3106. Engagement 24 mois, offre soumise à condition avec conservation du numéro. Cyril, pourquoi tu dis toujours divin foie gras du Sud-Ouest ? Mais parce que c'est divin. Et puis foie gras, ça va avec Sud-Ouest, c'est comme ça. IGP, Canara foie gras du Sud-Ouest, Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy. Campagne réalisée avec le soutien financier de l'Union Européenne et de la région Nouvelle-Aquitaine. Votre Intermarché de Noël vous propose d'écouter le prix du jour. Qu'est-ce qui est rouge et blanc et qui arrive à Noël ? Un kilo de litchi. Bah ouais. Mais comment t'as trouvé ? C'était facile. Dès aujourd'hui, le kilo de litchi est à 2,79€. C'est ça, un prix producteur et commerçant. Et c'est seulement jusqu'à vendredi dans votre Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Origine Madagascar. RTL, c'est dans l'actualité et ça vous concerne. Permis non remis, la mise à l'amende de l'ANTS confirmée. La fameuse Agence nationale des titres sécurisés qui traite notamment via son portail informatique toutes les demandes administratives liées au certificat d'immatriculation et au permis de conduire doit remettre les titres réclamés dans des délais. Ce n'était pas le cas. Oui. Ça mettait certains conducteurs dans des situations impossibles. Ben, vous imaginez. Alors, un exemple. Ben, un exemple. Par exemple, vous demandez un permis de conduire, enfin, vous obtenez votre permis de conduire. Vous demandez à avoir le titre définitif. Le titre définitif n'arrive pas. Conclusion, vous n'êtes pas strictement en infraction puisque vous êtes titulaire du permis de conduire. Donc on ne va pas vous poursuivre si vous êtes arrêté par des policiers pour conduite sans permis. Mais vous allez avoir un PV parce que vous ne pouvez pas présenter votre permis de conduire. Beaucoup plus grave, vous voulez louer une voiture ? On va vous demander l'original de votre permis. D'accord. Vous pouvez plus louer de voiture. Donc, certains en ont eu marre, ont attaqué, et le résultat est le suivant. Le résultat est qu'effectivement, l'ANTS, ce qui était assez nouveau, a été condamné en première instance à délivrer sous 8 jours le permis, faute de quoi il y avait une astreinte, il y avait une pénalité de 50 euros par jour de retard. Et cette condamnation sur appel du gouvernement, enfin du ministère, qui n'était pas d'accord, a été confirmée par le Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative française, qui dit oui, effectivement, c'est une situation anormale. Et si l'ANTS n'est pas en mesure de délivrer les titres dans un délai raisonnable, une semaine, deux semaines à tout casser, à ce moment-là, il doit y avoir une pénalisation de l'ANTS. Donc ça va les faire accélérer parce que ça risque de leur coûter une petite fortune. C'est la meilleure motivation et je rappelle qu'il y avait déjà eu quelques bugs en la matière avec le logiciel de paiement des militaires, le fameux logiciel Louvois, si mes souvenirs sont bons, ou encore le dossier médical personnel, et qu'à chaque fois, ça avait coûté des dizaines de millions d'euros à l'État. Bon. Donc, à qui n'a pas besoin de ça en ce moment, il faut dire les choses comme elles sont. Parce que c'est les impôts qui payent. Allez. Nous allons maintenant écouter Redbone, Come and Get Your Love dans une seconde. Le retour sur le dossier d'Olivier, il est gérant d'une pâtisserie sans ligne fixe il depuis le début du mois. Sauver ses chocolats. Ça se passe sur RTL. Joyeux Noël à tous. Ah, ne vous y trompez pas, ce n'est pas de la guimbarde, c'est de la bonne et vieille guitare comme on l'aime. Redbone, Come and Get Your Love sur RTL. Et nous revenons sur le cas de Catherine. Et son super vélo acheté sur internet, 985 euros. Depuis, impossible de rouler avec. Figurez-vous que tout d'un coup, alors que le calme régnait dans la salle des appels, qu'a retentit le téléphone. C'était quelqu'un de la ville qui travaille pour Amazon et qui nous a délivré quelques petits secrets concernant le problème de Catherine. Pouvez-vous nous en dire plus, Hugo Linsabat ? Oui, c'est Nancy. Nancy, elle m'a appelé, elle a demandé la confidentialité. C'est un fournisseur d'Amazon qui utilise cette plateforme. Donc, à partir de là, elle explique clairement que lorsqu'on a des frais d'envoi, ça veut dire qu'Amazon ne l'a pas en stock. Et donc, automatiquement, ça veut dire qu'on utilise le marketplace. Ça, c'est le premier indice. C'est pas qu'ils l'ont pas en stock, ça veut dire qu'ils passent par un fournisseur. Exactement, qu'ils n'ont rien en stock dans leur structure basée en France. Ce que dit cette dame, c'est que quand c'est 100% Amazon et que c'est Amazon qui vend directement, il y a d'envoi. Zéro frais. Donc, si on vous demande des frais, c'est que déjà, c'est quelqu'un qui a utilisé le site Amazon, mais ce n'est pas Amazon qui vous le vend. Premier indice. Ça, c'est le premier indice. Deuxièmement, elle dit que dans le bon de commande envoyé au client, il y a la possibilité, Julien, et ça, on va demander ça à notre auditrice, de obtenir la feuille de remboursement. Elle veut dire, c'est plus facile, évidemment, quand on achète un produit en Europe ou en France, que de demander le remboursement en Chine, mais il semblerait que cette information soit marquée sur le bon de commande. On peut demander éventuellement à notre auditrice. Si je puis me permettre, je l'ai demandé le remboursement, et Amazon m'a immédiatement répondu, ça fait plus de 45 jours, donc il est hors de question. Donc le mail, j'ai la preuve, j'ai le mail à la maison. Donc Amazon a refusé, puisque moi au départ, je leur ai demandé le remboursement, ce qui nous aurait permis, nous, d'acheter un autre vélo à notre ami. Et ça a été refusé par Amazon. Maître Fellonneau ? Alors, sur un plan juridique, moi je suis tout à fait d'accord avec l'information que vous donne Amazon, c'est-à-dire que lorsqu'il y a un défaut qui apparaît, là c'est un véhicule, c'est un objet neuf, dans les 2 ans de la livraison, on ne peut pas exiger le remboursement immédiatement. On a le droit, et c'est au choix de l'acheteur d'ailleurs, entre la réparation ou le remplacement. Et si l'un des deux n'est pas possible, eh bien à ce moment-là, on va à l'étape remboursement. Mais vous ne pouvez pas à la première minute, demander le remboursement. Là, c'est quand même ce qui se passe, c'est que le délai pour avoir le droit à un remplacement ou une réparation est largement expiré parce que ça doit être fait dans les 30 jours de la réclamation qui remonte, je le rappelle, au 27 mai. Donc maintenant, on est dans la phase, je peux exiger un remboursement. D'autant plus que ce que l'on apprend, c'est que le vendeur et le fabricant ont l'air d'être chinois et qu'il n'y a pas de possibilité de réparation en France. Donc à ce moment-là, on va automatiquement au remboursement. On ne doit plus attendre maintenant. Alors Bernard Sabat. Alors la bonne nouvelle, c'est que Nancy a souhaité évidemment garder l'anonymat, mais va aider notre auditrice, puisqu'elle est fournisseur. Elle va appeler les services concernés avec qui elle travaille. Elle va avancer le dossier. On va lui donner le contact directement à notre auditrice. Et je pense qu'on devrait avoir du nouveau dans les prochains jours, Julien. Alors ça, c'est ce que j'adore dans cette émission, c'est quand vous appelez comme ça en nous disant, écoutez, nous on a peut-être une solution pour vous aider, parce qu'on voit bien, Monsieur Courbet, que vous êtes entouré de bras cassés, donc on va. Merci. Ça, c'est sympa. Merci Nancy. Et voilà, si Amazon pouvait vraiment nous aider, parce que je crois qu'elle a été assez patiente. Acheter un vélo sur Amazon au mois de mai, le vélo ne marche pas. Là, il y a la fourche qui fuit, du liquide qui sort du vélo. Enfin, c'est n'importe quoi. Et là, elle ne peut rien faire parce que en fait, on lui a vendu un vélo chinois et ça coûte trop cher de le renvoyer. Donc ils disent, écoutez, laissons pourrir la situation. On verra bien, parce que c'est ça ce qui se passe. Alors évidemment, mettez-vous à la place de Catherine, enseignante, qui va s'attaquer à la première firme in the world. Elle pourrait d'ailleurs. Il faut pas avoir peur. Ceci étant dit, je le dis, n'ayez pas peur, parce qu'ils ne viendront pas de toute façon. C'est le cas dans 99% des cas dans la juridiction de proximité. Mais vous, après, vous avez un jugement. L'huissier va sonner au siège. Je pense qu'un huissier doit pouvoir récupérer 900 euros auprès d'Amazon. Il doit pouvoir. Déjà, il croise quelqu'un dans le couloir, disant, t'as combien sur toi? Le mec, déjà, il a 8 fois le prix. Ça, c'est ce qu'on lui a donné pour boire son café. 8 millions de fois. Allez, on va se retrouver dans quelques instants. Le grand patron, mais on va pas l'appeler, comment voulez-vous ? Alain Hazard me dit, le grand patron, c'est Jeff Bezos. Mais je vais pas appeler. Où je vais l'appeler, moi, Jeff Bezos ? En Californie. On va essayer de pas de l'appeler, mais on va essayer. Je vais vous dire un truc. Je vous offre. Je finis juste ma phrase. Comme après. Déjà, vous allez me parler différemment, Alain Hazard. Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Non, on va essayer. Moi, je suis gentil avec vous. C'est important d'interpeller le grand patron de cette grande. Mais il entend pas, il est en Californie. Mais on va lui faire remonter l'information, je crois, tout de même, non ? Oui, mais Jeff Bezos. Jeff Bezos, oui, c'est ça. Il s'appelle Jeff Bezos. Il est très, très riche, Julien. Ben oui, il est le plus riche du monde. Bon, ben alors essayez de trouver Jeff Bezos, alors puisque Alain Hazard le demande. On va se retrouver donc avec Olivier, on le prend maintenant dans une seconde. Olivier, déjà, est-ce qu'il est en ligne ? Il n'est pas encore en ligne, puisqu'on va essayer d'appeler la pâtisserie directement. D'accord. Pour voir si c'est réglé. Ça marche. On se retrouve dans une seconde sur l'antenne d'RTL. Donc, on a le cas du chocolat et il y aura la farandole des cas bloqués. Oui, on reviendra sur Sonia, plus de 1 300 € pour un déménagement incomplet et avec de la casse. Noël ou pas Noël, RTL est là. Mais nous, le plus beau cadeau que l'on puisse vous faire, c'est que votre affaire soit résolue. Alors nous le faisons. Et nous nous battons pour vous chaque matin dans le 9h30-11h. Bonjour, c'est Marc-Olivier Fogiel. On refait le monde dans RTL Soir. Loin des clashs et du buzz superficiel, si vous aimez les débats nourris pour vous aider à vous faire une idée, je vous retrouve tous les soirs avec les polémistes dans Refait le monde de 19h15 à 20h. Des échanges musclés, ce qui n'empêche pas la bonne humeur. Et avant ça, rendez-vous pour toute l'actualité à 18h pour RTL Soir. À tout à l'heure. Bah, la prime de Noël chez Opel, je croyais que c'était une légende. Une reprise de 4 000 € minimum pour l'achat d'une Opel. Un conte de Noël, quoi. Et puis, en fait, c'était vrai. Et j'ai raté l'offre. Bon, bah, depuis, je crois à tout, moi. Le Père Noël, les lutins, les rennes qui volent, tout le bazar. Même la petite souris, j'y crois dans le doute. Eh ben, répétez-le pas, hein. Le Père Noël existe bien. Jusqu'au 31 décembre, bénéficiez d'une prime de Noël Opel de 4 000 € pour la reprise de votre véhicule et l'achat d'une Opel neuve en stock identifié. Offre non cumulable réservée aux particuliers. Conditions sur opel.fr. Passez de bonnes fêtes de fin d'année avec RTL. On a tellement de choses à se dire. Depuis plus de 60 ans et partout en France, les compagnons bâtisseurs construisent les fondations d'une société plus juste et solidaire. Ils viennent en aide aux personnes les plus fragiles et rénovent avec elles leur logement. Grâce à ces milliers de chantiers solidaires, ils reconstruisent l'espoir et font bien plus que rénover des bâtiments, ils restaurent des vies. Faites un don en vous rendant sur compagnonsbâtisseurs.eu. Monoprix. Petit 1, tu sais que tu prends le réveillon au sérieux quand tu distribues un questionnaire de satisfaction à la fin de chaque plat. Petit 2, tu sais que tu prends le réveillon très au sérieux quand tu organises un vote à main levée dans tout Monoprix pour faire valider ta liste de courses. Reçu. Noël, c'est parti chez Monoprix. Profitez de la promotion exceptionnelle. La bûche glacée au chocolat du Pérou Monoprix Gourmet pour 8 personnes est à moins 30% jusqu'au 31 décembre. Monoprix. Voir conditions de l'offre en magasin et sur monoprix.fr. Pour votre santé, bougez plus. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Maître Fellonneau, rappelez s'il vous plaît, parce que je sais que ce cas en plus vous a beaucoup touché, ah parce oui. que vous l'avez eu au téléphone, oui. C'est un pâtissier de Blain, donc 44, qui est aux abois parce que malheureusement on lui a écrasé sa ligne téléphonique alors qu'il n'a rien demandé. Olivier, il est plus qu'aux abois compte tenu des délais qui se sont écoulés depuis la panne de sa ligne directe qui au départ l'empêchait même de procéder à l'encaissement des cartes bancaires. Vous savez que s'il faut une ligne téléphonique pour brancher un terminal de cartes bancaires. Ensuite, on l'a quand même permis de pouvoir faire ses encaissements, mais pas de ligne pour recevoir les commandes. 25% de son chiffre d'affaires est fait entre Noël et jour de l'an. Il était totalement paniqué. Et j'avais prévenu que c'était nos amis d'Orange. Donc en général, dans quasiment 100% des cas où nous les avons appelés dans l'émission, l'après-midi même ou le lendemain, ils sont venus rectifier la ligne. Et là, on n'avait pas de nouvelles. Ça s'est passé donc avant-hier. On est quoi aujourd'hui ? Mercredi, c'est lundi que nous avons fait ce cas. Donc Charlotte, est-ce que la ligne est toujours coupée ? Est-ce que Orange est intervenu ou pas ? Eh bien, appelons la pâtisserie et on verra bien. On va appeler donc la ligne qui était coupée lundi, qui empêchait les clients de prendre des commandes à la pâtisserie séchée. Quelqu'un va-t-il répondre ? La ligne a-t-elle été rectifiée ? Attention ! Le... Pâtisserie séchée, bonjour. Bonjour ! Ah, c'est pas vrai ! La pâtisserie séchée, c'est Julien Courbet. Il y en a comme vraiment rien à faire, c'est pas possible. Alors, il y a une plus jolie voix que ça, heureusement. Hein? Ah non, mais c'est pas une blague. Alors, madame, c'est pas une blague, c'est monsieur qui j'ai eu hier au téléphone. Olivier, c'est moi qui me. Olivier. C'est Olivier, c'est pas du tout une blague. C'est Olivier, conservé. Vous pouvez me le passer, Olivier ? Conservez, je vous le passe. D'accord. Ben alors là, ça, c'est une grande première. Vous appelez quelqu'un parce que vous avez réussi à rectifier, à lui remettre la ligne et vous tombez sur une employée qui fait « Ah, Courbet, puis quoi aussi ?» Allô ? Allô, Olivier ? Oui, c'est moi. Mais j'ai failli me faire accrocher au nez. Votre collègue, elle ne croyait pas que c'était moi. Bah, elle croit pas du tout. Elle m'a dit elle a une plus jolie voix, dites donc. Qu'est-ce qu'elle a ma voix ce matin ? Non, mais je vous connais bien, je viens vous bon, hey, ça y est, la ligne est revenue alors ? La ligne est revenue et je vous remercie beaucoup. Bon, parce que vraiment, je peux vous dire que c'est grâce à vous. Et et sans vous, la ligne ne serait pas revenue. Bon, tant mieux. En tout cas, non, non, mais. J'ai quelqu'un de France Télécom, Orange. Hier après-midi, qui m'a dit que voilà, c'est intervenu. Enfin, le déclenchement des opérations est intervenu lundi matin, donc pile poil quand je suis passé à l'antenne, quoi. Eh ben, c'est parfait. En tout cas, bravo une nouvelle fois Orange. Ils sont tributaires. Il peut y avoir des travaux, un câble qui est coupé. Non, c'est pas trop bien non plus, parce qu'ils m'ont laissé 15 jours en. Oui, d'accord. Vous l'êtes gentil un peu avec eux, parce que c'est un peu l'esprit de l'émission, mais je comprends que vous en ayez marre. En tout cas, ils sont venus tout de suite, nous, quand on les a appelés. Et ça, c'est super, Hervé. Oui, et on peut remercier Emmanuel. Chaque fois qu'on l'appelle, immédiatement, bon, le dossier est en urgence. Oubliez le passé. Faites des belles pâtisseries à la pâtisserie séchée à Blain, où vous pouvez acheter la symphonie, l'évasion, le crousti fondant, le caraïbe, le carrément bon. Autant de pâtisseries pour vos repas de fin d'année. Merci à vous. Bonne journée. Merci Julien, je vous remercie encore. Allez, merci nous beaucoup. Allons maintenant écouter l'une de vos chansons préférées, Maître de Comoros, oui. C'est celle de Julien Clerc. Oui, j'aime beaucoup. Bah oui, avec Radar, je vous aime. Hein. Radar, je vous aime. Radar, je vous aime. Au conducteur, tu prends des tubes. Oui. Et moi, ça m'a fait ma fortune. Enfin bref, allez, bon, allez. Écoutez, ça, on est là pour écouter Julien Clerc. C'est une chanson d'amour. Oui, ça m'ennuie pour Julien quand même, ce que vous venez de faire. Bon. Écoutez, il est en tournée pour ses 50 ans de chansons à travers la France. C'est parti, écoutons ce chef-d'œuvre. Il est pour vous, Maître Felonneau, pour vous, Céline, pour vous, Charlotte. Oui. Et pour vous aussi, JB, il était grand temps que les gens le sachent. Quelquefois si douce, quand la vie me touche, comme nous tous, alors si douce, quelquefois si dure. Que chaque blessure longtemps me dure, longtemps me dure. Si drôle sur un coin d'épaule, oh oui, si drôle, regard qui frôle. Je la connais par cœur, c'est un chef-d'œuvre. Je la chante régulièrement à mon épouse. Surtout quand je rentre à 4h du matin avec une haleine de vodka et du rouge à lèvres sur le col, je peux vous dire que quand je lui chante ça, ça calme tout de suite tout le monde. Dans quelques instants, de quoi va-t-on parler, s'il vous plaît, ma chère Céline? On reviendra sur le dossier de Sonia, plus de 1 300 € pour un déménagement incomplet et avec de la casse. Et puis le monsieur hier nous a dit, mais attendez, je vais vous envoyer les preuves. Eh bien, nous allons voir si nous les avons reçues. Et joyeux Noël à tous. RTL ne lâche jamais. On se retrouve dans quelques instants, à tout de suite. On a tous droit au meilleur des Noëls avec Carrefour Market. Cette fois-ci pour Noël, j'ai tout prévu. Ça, c'est une super nouvelle, Michel. Enfin, presque. Il me manque juste le foie gras. Eh bien, on a ce qu'il vous faut chez Carrefour Market. Jusqu'au 31 décembre, si vous achetez un bloc de foie gras de canard du Sud-Ouest avec morceau La Berry, le deuxième est à moins 60%. Moins 60% pour un bloc de foie gras avec morceau? Exactement. Oh, ben je me vois déjà à table. Où est le pain d'épices? Carrefour Market. Le bloc de 200 grammes. Pour votre santé, bougez plus. Pour Noël, les couples de scènes de ménage ont décidé de mettre le paquet. Et ils ont bossé dur. Est-ce que t'es dans le coup, Yvette? Oh bah mais bien évidemment que je suis dans le coup, évidemment. Au menu de ce réveillon pas comme les autres, du rire, des invités et de la mauvaise foi. On se fait chier en fait, non? Bah hé, Marcel, c'est Noël. Inédit, scène de ménage, ça sent guirlande pour Noël, c'est ce soir à 21h sur M6. Votre Intermarché de Noël vous propose d'écouter le prix du jour. Oh non! Mais non les enfants, on va pas manger un chaton, mais un chapon. Un chapon. Jusqu'au 31 décembre, dans votre Intermarché, le chapon fermier Label Rouge Origine France, Loué ou Saint-Sevé est à 9,49€ le kilo, avec en plus 6€ en avantage carte par chapon. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Selon approvisionnement en magasin, chapon d'environ 3 kilos. Modalité magasin participant sur noël.intermarché.com. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Le 9h30-11h sur RTL, nous revenons donc sur le cas de Sonia. 1300€ pour un déménagement incomplet et avec de la casse. Cas d'urgence parce qu'elle est assistante maternelle et ne peut pas exercer son métier parce qu'il lui manque du matériel. Alors, Maître Fellonore, expliquez-nous cette histoire de mètre cube. Alors... C'est une histoire de devis. Il apparaîtrait que deux devis ont été envoyés à notre amie Catherine. Un pour 45 mètres cubes, un autre pour 32 mètres cubes. Ça aurait commencé par 32 mètres cubes. Elle ne l'a pas signé et elle a reçu celui de 45 mètres cubes. Elle a renvoyé un mail disant qu'elle était d'accord pour ce devis de 45 mètres cubes en indiquant le numéro de devis que nous avons dans le dossier. Et c'était très clair. Les déménageurs, eux, prétendent qu'en fait, elle a signé le devis pour 32 mètres cubes, ce qui est... Enfin, et ils devaient nous donner la preuve. Alors, on a eu hier quelqu'un au téléphone qui nous a dit « Mais je vais vous envoyer la preuve qu'elle a bien signé un devis pour 32 mètres cubes. » Est-ce que nous l'avons reçu, Bernard? On a reçu des documents, mais oui. Pas celui-là. Oui, à 10h47, j'ai reçu donc un document hier disant évidemment que la lettre de voiture était marquée 32 mètres cubes, mais contresignée par notre auditrice disant « Moi, j'avais demandé 45 mètres cubes. » Donc déjà, première preuve évidente de la bonne foi de notre auditrice. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, le devis de 32 mètres cubes était le même numéro de devis que celui de 45 mètres cubes, ce qui amène la confusion pour bien notre sûr. Auditeur. Elle avait aussi envoyé un mail en disant bon pour accord pour un déménagement de 45 mètres cubes. Non, elle n'a pas justement précisé le nombre de mètres cubes, elle a précisé le numéro du devis. Oui. Bon, mais... pour accord pour le devis que vous m'avez envoyé de 45 mètres cubes. Et qui concernait les 45 mètres cubes. Alors on va réécouter ce que nous a dit ce monsieur hier sur l'antenne. Concernant les deux devis signés, dommage que nous soyons à la radio. Non, mais vous allez me l'envoyer. Nous ne puissions pas produire le visuel pour que l'affaire soit réglée, mais je vais vous envoyer évidemment le seul devis signé que nous avons, qui est celui de 32 mètres cubes. Alors, Elle ne nous a jamais renvoyé le 45 mètres cubes signé. Je vais vous l'envoyer par mail et vous pourrez en attester. Alors, il doit nous l'envoyer par mail et on doit en attester. Je l'ai eu, Julien, et c'est pour ça que je souhaite qu'on appelle ce fameux Fabrice pour qu'il nous donne évidemment sa version officielle. Très rapidement, Maître Fellonneau. Pour venir quand même appuyer la thèse de notre auditrice, ce qui est de très curieux, c'est que la somme qu'elle doit régler est de 1533 euros. Le déménageur prétend que ça correspond au prix des 32 mètres cubes. Or, on a quand même un document. Cette somme correspond au déménagement de 45 mètres cubes. Ça voudrait dire que c'est le même prix. Voilà, donc c'est quand même très curieux. 33 mètres cubes, 1500. Et 45, 1500. Et alors, s'il y a 200 mètres cubes, 1500. Bon alors, attendez. Là, je déménage tout Lyon. Prenez la ville de Lyon et vous me l'emmenez à Marseille. 1500. Bon, très bien, ok. Et ben voilà. C'est le tarif fixe. Alors, on appelle tout de suite pour en savoir plus. Elle est en ligne. Je l'entends respirer. Sonia, oui. Ce qui veut dire que déjà elle est en bonne santé. Et nous appelons le bon déménageur. Alors, ce que je vous propose, Fabrice, la ligne directe, logiquement. Alors, on essaie Fabrice très rapidement. D'accord, Fabrice. Le bon déménageur se trouve, mais je pense que c'est une adresse postale. Boulevard Voltaire, à Paris 11e. Bon, allez, récupérez l'appel, vous essayez de m'avoir. Soit Sophie Marchal, la conseillère, soit Monsieur Bonjour. François, le référent, soit Sarah Le Sage à la logistique, soit Johan Ederi, qui est le gérant. Attention, c'est une plateforme, il vous envoie après sur des entreprises de déménagement qui, et dans ce cas, n'avaient ni sangle, ni couverture. Ils nous ont envoyé des JK Transport et Déménagement. La plateforme a envoyé donc un autre déménageur. On leur a dit, mais comment se fait-il qu'ils viennent avec des camions, les gens que vous envoyez, sans sangle et sans couverture? Ils nous ont dit, mais on ne travaille plus avec eux parce qu'ils ne sont pas bien. Voilà ce qui... Alors on a essayé d'appeler aussi JK Transport, impossible. Donc vous me faites très vite, s'il vous plaît, un retour dès que vous avez quelqu'un. J'ai Éric Le Maire en ligne. Éric Le Maire, directeur de la communication d'AXA, bonjour. Oui, bonjour Julien. Vous n'avez strictement rien à voir avec ce dossier. Vous vouliez nous dire que les assureurs, par rapport à tout ce qui s'est passé à la casse suite à tous ceux qui se sont mêlés aux gilets jaunes et qui n'avaient rien à voir avec leurs revendications et qui ont cassé de la voiture, qui ont cassé de la vitrine, qu'est-ce que les assureurs, pour ces gens qui se retrouvent maintenant financièrement en difficulté, ont décidé de faire ? Eh ben, je voulais vous le dire parce qu'on avait traité l'autre jour un cas à votre antenne justement d'un garçon qui avait malheureusement vu son véhicule brûler alors qu'il était assuré qu'au tiers. Eh bien, on a décidé, tous les assureurs, de ne pas appliquer les franchises. Et je vous rappelle qu'il y a 2000 voitures qui sont totalement ou partiellement détruites aujourd'hui. Donc, on n'appliquera pas les franchises, mais on le fera aussi pour les commerces. Ce qui n'est pas rien, parce qu'un commerce qui est dévasté, les franchises, ça peut être 5 000-6 000 euros aussi. Voilà, donc c'est une belle décision des assureurs pour aider aussi les uns et les autres dans ces mouvements très difficiles. Eh bien, c'est une bonne nouvelle. Chacun peut prendre contact avec son assureur. Merci de les avoir représentés, Éric Le Maire, directeur de la communication d'AXA. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir. Merci beaucoup. Le Point Info, il s'est passé énormément de choses. Le point sur tous les cas, c'est la Minute Info. Nous avons démarré avec Jean-Baptiste, le fils de Baptiste, pardon, qui a acheté un véhicule. Il demande le remboursement des frais engagés pour ses réparations infructueuses sur sa voiture, 9 849 euros. Ça devrait s'arranger, en tout cas, c'est en... il y a eu un dialogue qui a été ouvert. Excellent dialogue avec la marque Audi, mais on attend toujours des nouvelles du concessionnaire qui ne m'a pas rappelé. Et Catherine et son vélo électrique, alors là, avec Amazon, il va falloir qu'on fasse un duplex, qu'on aille au siège d'Amazon, je pense. Non, mais la bonne nouvelle, c'est que Nancy, qui est fournisseur évidemment d'Amazon, et rentre en contact avec nos détrices. On aura du nouveau demain, Julien. Ça marche. Le 12 janvier, c'est à Bordeaux, c'est au Casino Barrière. 12 janvier à Bordeaux, je ferai mon one-man show chez moi là-bas. Donc rendez-vous le 12 janvier pour se marrer, on sera déchaînés. Et le lendemain, le 13 janvier, on sera à Tarbes, au 7. Flavie Flamand. On est fait pour s'entendre. Sur RTL. Ils vivent une seconde jeunesse, font plein d'activités, ont de nombreux projets. Et la place des petits-enfants dans tout ça? Peut-on compter sur les grands-parents d'aujourd'hui? Papy, mamie, new generation, c'est cet après-midi, de 15h à 16h, dans On est fait pour s'entendre sur RTL. RTL, on a tellement de choses à se dire. Auchan, et la vie change. Et pendant les 125 jours Auchan, c'est l'équipement high-tech de Christophe qui change. Avec le smartphone Samsung Galaxy S8 64Go à 449,90€ seulement. 449,90€, Christophe, achète-le. Et avec, prends le prix en photo. Sinon, personne croira que tu l'as payé ce prix-là. Jusqu'à demain, vos hypermarchés Auchan et Auchan.fr proposent le Samsung Galaxy S8 64Go à 449,90€ et votre équipement high-tech change. Ton éco-participation 2 centimes. Kit main libre recommandé, DAS 0,315 watts par kilo. Chez Leroy Merlin, vous garantir le bon achat, on y travaille tous les jours. Alors quand vous nous dites... Qu'est-ce qui m'a pris d'organiser Noël chez moi? Entre la déco, les courses, je sais pas quand je vais pouvoir aller chercher mes cadeaux. On vous répond, soyez tranquille. Préparez vos achats sur leroymerlin.fr et retirez-les ensuite en magasin. Votre commande sera prête 2 heures plus tard et vous n'aurez plus qu'à la récupérer quand vous aurez le temps. Leroy Merlin, et vos projets vont plus loin. Je voudrais plein de chocolat pour moi, papa, maman et mamie. Oh oh, j'ai rempli ma hotte de coffrets Réhout et chocolat. Et il y en a pour tous les gourmands. Venez en magasin déguster nos chocolats de qualité. Recettes artisanales et coffrets à partir de 8,60€ seulement. Réhout et chocolat, fabricant chocolatier français. Goûtez, vous verrez. Pour votre santé, évitez de grignoter. Nous aurons du nouveau demain très rapidement, Bernard, sur l'histoire du déménagement. Oui, Fabrice est en ligne, il vous parlera demain matin à la première heure. Allez, 9h30, bon, la première heure. Bon, la 9h30, ça sera bien au moment où démarre l'émission. Stéphane, bonjour. Bonjour Julien, comment ça va? Très bien, et vous? En pleine forme. Enfin, j'ai perdu ma voix, mais c'est pas grave, je vais retrouver. Nous avons Podane avec nous, enfin la maman de Podane. Non, surtout, vous connaissez, c'est une étoile qui est tombée dans notre studio, c'est Marie-Agnès Gillot qui est dans le spectacle, la féerie musicale Podane. Très bien. Ça, inutile de vous dire qu'on va écouter parce que ah c'est ouais, de la vraie magie. Oh là là, c'est magique. Bon, et puis si on peut récupérer la peau pour mettre Felono, ah oui, ça serait formidable. Merci beaucoup. Merci. On se retrouve demain, 9h30, en direct. Merci aux avocats, maître de Comont.